Bon, je vais passer les tableaux qui sont un petit peu arides. Voilà. Donc, on va passer à ce qu'on appelle la descente d'échelle. Donc, on a vu un petit peu ce qui se passait à l'échelon mondial. On nous demande maintenant, pour les besoins économiques, pour les besoins des décideurs également, de travailler à des échelles plus petites. Donc, ça va être l'échelle régionale, l'échelle d'un département, l'échelle d'une région. Deux méthodes donc de modélisation. On a ce qu'on appelle la descente d'échelle dynamique. On va y revenir tout à l'heure. Et la descente d'échelle statistique. J'avais un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. La problématique de la descente d'échelle. On va se servir d'un modèle à maille très large qui a une maille d'environ 300 km de côté. Et on va faire une imbrication successive de modèles pour définir la maille. Donc le modèle principal, le plus important, va définir les conditions aux bornes de ma surface. Nous allons ensuite appliquer un modèle régional avec une résolution de l'ordre de 50 km, descendre ensuite un modèle de niveau hydrologique, donc tout ce qui est rejet des lacs, des fleuves et autres, prendre en compte l'effet du sol et de la végétation, l'effet de la topographie et enfin l'effet des systèmes sociaux, donc humains, usines et autres rejets. Donc tous ces modèles vont être imbriqués et vont donner nos différents scénarios. Ça s'apparente à ce que je disais tout à l'heure, donc à la prévision dynamique, à une prévision déterministe. Nous utilisons également une prévision statistique qui s'applique à regarder les variations statistiques autour des moyennes que l'on observe. Et c'est pour ça que nous avons besoin de mesures de longue durée, de la plus longue durée possible. Donc, pour la Guyane, nous nous sommes servis de quatre modèles différents qui sont des modèles français, qui est le modèle Arpège-Climat. En utilisant les deux scénarios donc des anciens GIEC, le A2 et A1B. Donc le A2 est le scénario catastrophe, le A1B est le scénario moyen, bah, la fourchette basse. Pas la plus favorable, donc pas avec les réductions drastiques d'émissions de polluants, mais au moins le scénario moyen le plus probable. L'avantage au niveau de la Guyane, c'est que le modèle que nous utilisons a une maille de l'ordre de 50 km², hein, donc le modèle régional, ce qui nous fait 43 points de gris sur la Guyane. Bon, on ne le distingue peut-être pas forcément très bien sur l'écran, mais bon, les points de gris sont représentés. Donc ça veut dire qu'on est capable à peu près de faire une évolution de température et de pluviométrie à pas de distance de 50 km sur notre département. Les projections à venir. Donc, à gauche, le scénario catastrophe. À droite, les trois autres modèles qui ont tourné sur le scénario donc moyen A1B. Pour les précipitations, tout comme pour les observations, qu'est-ce que l'on constate? Une très grande hétérogénéité. Exemple pour le mois de mars, pour le petit été de mars, où d'après les projections les plus catastrophiques, nous aurions une sécheresse assez accentué, donc une diminution de la pluviométrie de 30 à 40%. A contrario, les modèles moyens, certains préconisent même des augmentations très nettes de 25, voire 30%, voire au-delà. Idem pour la grande saison sèche, qui s'annoncerait plus pluvieuse pour le scénario catastrophique et très variable après pour le scénario moyen. Donc, on ne peut pas, à l'heure actuelle, en termes de projection, avoir une définition claire de la pluviométrie au niveau de la Guyane. Ce que l'on suppose, c'est qu'en termes de quantité, on aura éventuellement une très légère augmentation. En revanche, les quantités en moyenne resteront les mêmes. En revanche, on devrait avoir une variation plus importante des valeurs extrêmes, donc des années sèches plus sèches et des années plus pluvieuses davantage pluvieuses. Bon, tout ceci reste à confirmer. Donc ça, c'est prévu pour les années 2050 à 2070. Maintenant, il est vrai qu'en termes de pluviométrie, nous n'avons pas encore homogénéisé la dernière décennie. Donc, je pense que ces scénarios vont évoluer, surtout qu'on va prendre en compte également les nouvelles projections prévues pour le GIEC, choses qui ne sont pas faites à l'heure actuelle. Bien entendu, nous avons appliqué des calculs d'incertitude. Donc, pareil, hein, c'est un tableau un petit peu aride. Je vais essayer de vous le décortiquer assez rapidement. Le premier chiffre, donc celui qui n'est pas en gras, c'est les valeurs moyennes par saison de hauteur de pluie donnée par les modèles. et les chiffres en gras, les variations, les incertitudes que l'on a autour de cette moyenne. Donc, par exemple, pour une moyenne de 560 mm pour la petite saison des pluies, premier modèle, on peut avoir une variation de moins 4 mm à 13 mm. Donc, c'est une amplitude qui est quand même relativement importante. C'est beaucoup plus net pour le petit été de mars. On a des variations qui vont de 51 mm à 37 mm, alors que la moyenne est de 195 données. Donc, ça veut dire qu'on nage vraiment dans des incertitudes qui sont fortes, qui se rapprochent de la valeur que l'on cherche à déterminer.